la guerre, on va la guerre, t'entends les gros, hein? Qui fera 7 euros? Henri Sud, seul mes négros peuvent opérer, t'entends comme ceci. Les vrais voyous comprennent, allons-y. Un pour les gangsters, deux pour les cambrioleurs, trois pour les revolvers, dont le mécanisme ne bloque pas. Pour les accros, le combo, wine up et Gio, mafioso, on vient chercher 7 euros, on flingue avec des calicots. Tous pro, l'équipe de rêve, Queensbridge et Rive Sud. بس لو سمحت هذول الشباب مجرمين وسفاحين اذا بتمر عليهم بتوقف طريقهم راحت عليك حريقه دو بان افون دو بان اريير سي تون فوزي allons-y allez allez la vraie musique de nègre dans ton négro. I'm waving the black flag, respect my hammer. Little red bandanas, they banging inside America. Stick up kids running up in people's cribs. All tying families up, something gotta give. I'm so damn close to catching a life big. Control my anger, think about my kids. I ain't got no other reason to live. I know lies, solid tear drops. Never even heard one cry, split one eye. Rockin' by, nigga, good night. Pull the plug out the socket, product never garbage. That lean dope primo, make dope fiends vomit. Every custody, boy, know we got it. My infamous connect, pushing that wet, wet. I'm a vet, not a pet, bitch, don't forget. My trap game is tighter than your pussy grip. It's mind over matter, he embrace this clip, bitch. Un pour les gangsters, deux pour les cambrioleurs, trois pour les revolvers, dont le mécanisme ne bloque pas. Pour les revolvers et les magnums, pour les calicots qui performent, pour mes négros qui sortent de tôle, pour mes drogués, mes coquets, mes consommateurs, pour mes usagers qui me rendent millionnaire, pour ceux qui poussent les gros poneys, pour les trafiquants qui l'amènent à destination, pour l'importation et l'exportation, pour les achats de 44 longs, pour les ventes de pompes à long canon, pour ceux qui flinguent en premier et pensent aux conséquences plus tard, pour mes vautours qui veillent tard et en place l'argent de la cocaïne, pour les lames de rasoir, pour les tronçonneuses, pour les grenades et les lance-flammes, pour ces Lamborghini et Ferrari garés, ces Porsche, c'est Philippe Patek. Un pour les gangsters, deux pour les cambrioleurs, trois pour les revolvers dont le mécanisme ne bloque pas. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Leur line-up, cette merde de criminels, t'entends? Un pour les gangsters, deux pour les cambrioleurs, trois pour les revolvers dont le mécanisme ne bloque pas. Allah, Allah, Allah, Allah.